mon balio, abandonne un cœur, Zambé. Aïe, na kolela, la vie n'a gai. Oh, et bon gars, na sepe la ra, bon guia mon zimba. Et bon gars, kate oro, so ki tembe, botura mari. Souci na komona, na zali na kenza oro, tika na zila, na kola moke. Abandonne un gars, Zambé. Aïe, na kolela, la vie n'a gagné. Bon et bon gars, na sepe la ra, bon guia mon zimba. Et bon gars, kate oro, so ki tembe, motuna mari. Souci na komona, na zali na kenza oro, tika na zila, na kola moke. Passion.